France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Une marque, sans doute, mais un mythe surtout. Oui, oui, des bonbons et des sucettes qui sont mythiques. Achetés à l'unité ou dans une boîte. À qui ressemble-t-il le Pierrot gourmand? Sa silhouette est féminine. Pierrot mange Colombine, Colombine mange Pierrot. Ses bonbons et ses sucettes, qu'on le veuille ou non, sont un lieu de mémoire. Signé, en l'occurrence, Laurence Crémière, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 décembre 1998. Lieu de mémoire, Pierrot dans une robe de plaisir. Guy Urbain, le bonbon, c'est une partie de votre vie. Oui, puisque j'ai eu le bonheur de naître tout à côté d'une boutique de confiserie que tenait ma grand-mère, puis ensuite ma mère, donc j'ai eu l'univers des friandises sous les yeux depuis ma naissance. Au préalable, il vous avertit que un mauvais bonbon est à supprimer et qu'un Pierrot gourmand est à recommander. Les gens demandaient des bonbons Pierrot gourmand. Pour eux, c'était la marque de référence. C'est comme ça qu'on vendait les produits à l'époque, avec une collection assez éclectique. Il y avait des... Je me souviens même que personnellement, j'aimais bien les toffés. Pierrot gourmand, il a été un des premiers à faire des toffées. Des toffées, c'est un caramel anglais gras. Hein. Mais il y avait aussi, je vous dis, la grosse vente, c'était les sucettes. On vendait des sucettes en quantité importante. À cette époque-là, il faut savoir que la sucette était la friandise, la récompense. Hop. Je crois qu'ils connaissent tout. Ils connaissent tout. C'est les sucettes les plus célèbres, en fait. Puis moi, ça me rappelle mes grands-mères, et surtout ma grand-mère maternelle, qui m'en donnait, quand on avait bien travaillé dans le jardin et tout, elle en avait toujours dans des boîtes, dans les placards. C'était des boîtes comment? Des boîtes rectangulaires en bois. Non, pas en bois. Carton. Exigez sur tous vos bonbons le mot Pierrot devant gourmand. On fait une dégustation, là? Pierrot gourmand, on le voyait partout dans mon enfance. On le voyait dans chacune des boulangeries. Il y avait le Pierrot avec le socle et puis les sucettes tout autour. Ça, c'était superbe. Alors, ça faisait saliver et on achetait des sucettes plus souvent. C'est un monde. Quand je vois Pierrot gourmand, c'est toute l'enfance qui revient. Et je n'ai jamais acheté des sucettes ailleurs que chez le boulanger à cette époque-là. Je n'allais pas dans une épicerie, tandis qu'on allait chez le boulanger, on allait chercher du pain, on prenait une sucette. Et on pouvait les acheter à la pièce aussi. Et quand on les achetait en boîte, moi j'avais un jeu, je fermais les yeux, je prenais au hasard et je me demandais quel goût délicieux allait m'emplir le palais. Alors c'était la joie quand je tombais sur la cerise, le délire quand je tombais sur la framboise, moins quand je tombais sur l'orange, mais j'aimais bien. J'adorais le citron aussi, mais il me faisait crisser. Il me dilatait pas, il me faisait crisser, mais j'aimais bien crisser aussi. Annie Perry-Robert, À l'origine, on s'est aperçu que les enfants achetaient dans les foires, dans les fêtes foraines, des sucres d'orge. Et qu'en les tenant avec les doigts, les enfants se salissaient les doigts, avec les doigts pleins de sucre. Donc l'idée vint à un confiseur de piquer un morceau de bois dans le sucre cuit. Et c'est ainsi qu'est née la sucette. Date de naissance, 1924, et signature, Georges Évrard. Voilà, et les premières étaient en forme de fer de lance. La forme qu'on retrouve traditionnellement, d'ailleurs. Dès qu'on avait fait faire des petits cadeaux à droite ou à gauche, c'était une boîte de 12 sucettes PG. Qu'est-ce que vous vendiez d'autre, vous, dans ce magasin ? À cette époque-là, on était d'abord marchand de bonbons. Sur nos patentes, il y avait écrit « marchand de bonbons ». Et on vendait beaucoup plus de bonbons que de chocolat, alors que maintenant, là, c'est inversé. Vous voyez, le chocolat a pris une importance beaucoup plus forte que les bonbons. Mais à cette époque-là, nous avions beaucoup de bonbons nus. Parce que le bonbon nu, c'était le symbole du bonbon de base. Et j'avais, à l'extérieur du magasin, 32 bocaux de 10 kilos, dans lesquels j'avais donc 320 kilos de bonbons qui attendaient les clients et qui étaient, en somme, une palette de couleurs très jolie, très extraordinaire, comme les bonbons, les coquelicots, comme les violettes, comme les pastilles au miel. Tous ces bonbons-là, c'était les vedettes de l'époque. Hein. Les caramels au lait Pierrot Gourmand en a vendu des tonnes. C'était un des bonbons leaders de l'entreprise. Alors, il y avait donc chez eux à la fois la collection bonbons nus et la collection bonbons enveloppés. On additionnait en les deux, ça faisait du poids. Enfin, on vendait des tonnes. Je vendais, moi, environ 6 tonnes de bonbons nus à la porte, par an. Soir et matin, c'est le refrain. Enfants, messieurs et dames, tout le monde en réclame. Pierrot Gourmand, joie des gourmands, c'est bien la plus exquise, la plus saine de toutes les friandises. C'est-à-dire que nous avions un métier très pointu dans lequel nous savions soigner les bonbons. Nous savions les tamiser à cette époque-là, vous voyez, quand on recevait 10 kilos de bonbons par exemple, il fallait se méfier qu'il n'y ait pas de miettes. Parce que s'il y avait des miettes de bonbons, ça faisait comme une sorte de colle qui les collait les uns aux autres, et à ce moment-là, ils n'étaient plus vendables. Et c'était beau, parce que les coquelicots étaient d'un beau rouge, parce que les mandes vertes étaient d'un beau vert, parce que les bonbons pêche et abricots étaient à la fois orange et rouge, parce que les bonbons à la cerise avaient une belle couleur rouge, et tout ça, c'était beau. La dénomination Pierrot Gourmand. Écoutez, alors là, j'ai une version, je ne sais pas si c'est la bonne. C'est que Évrard avait eu l'idée de. Le confiseur avait eu l'idée de faire appel au dessinateur Adolphe Villette, qui était Montmartre III, un grand admirateur de Bureau, et qui avait eu l'idée d'utiliser l'image du Pierrot initié par ce mime au 19e. Mais c'est ma version. Altillac, l'usine et modèle, dehors, un petit coin de Corrèze dans ses reflets de verre et d'acier, dedans, des cuves, des tuyaux, des hublots, des croix, des écrans informatiques. Ce sont les forges contemporaines d'un Pierrot qui parfois semble descendu de sa lune. Sirop de sucre en ébullition, arôme, abaisse qui s'étire sur les bancs. Abaisse, oui, c'est ainsi que s'appelle le sucre cuit avant de se retrouver modelé, étayé, empapilloté, pour rentrer en digne sucette dans la magie des boîtes, à la cadence accélérée d'une marche de petits soldats. Sucette fer de lance, sucette boule, clair ou givré, sans oublier les derniers nés. Réglisse, qui pour se hausser au rang de la génération la plus ancienne, s'étire, s'enroule, se lustre et s'empastille. Jean Véron, Pierrot Gourmand, ça, c'est un petit personnage qui a accompagné près de 40 ans de votre vie. Oh oui, il a toujours été là. Et peut-être un peu moins à la fin, là. Mais au tout début, quand j'ai commencé à apprendre le métier de confiseur, parce que j'ai appris de A jusqu'à Z, hein. J'ai commencé par faire des intérieurs liquides, des confitures, des crèmes. Après, je suis passé à un... C'était déjà un peu plus sophistiqué, faire des toffées. Et après, je me suis retrouvé... j'apprenais toujours, hein, où je passais, c'était pour apprendre. Hein. Après, devenir cuiseur, faire du sucre cuit. Vous avez connu Jean Véron cette époque-là ? Non, non. Les femmes, leur charlotte sur la tête, les gros tabliers. Le grand tablier bleu qu'elles ont ici, c'est le tablier qui servait aux femmes pour refroidir le sucre. Pour la table ici, c'est la table à refroidir, le sucre est là. Elles le tiraient vers elles, mais elles mettaient leurs mains à l'intérieur du tablier et elles tiraient le sucre sur le tablier. Elles le pliaient en deux, elles le remettaient sur la table pour qu'il se refroidisse et ainsi de suite. Pourquoi les femmes ? Au niveau des machines, c'était... beaucoup moins dur. Le travail était beaucoup moins dur que le travail des hommes. Les hommes, c'était préparation des formules, donc le sucre, le glucose, l'eau, faire fonctionner des cuiseurs avec de grosses bassines sous vide, c'était trop dur pour les femmes. Monsieur, bien sûr, qui n'a pas mangé une fois dans sa vie une sucette ou un bonbon ? Je disais... un bateau quand j'étais enfant à cause de la forme de l'enveloppage des bonbons fourrés à la pâte de fruits, les PG, Pierrot Gourmand. Et voilà qu'enfin je trouve des amateurs dans Femmes Actuelles. Tant mieux car j'en ai vendu de ces bonbons, de ces sucettes, de tout ça quoi. Je suis née en 1931, j'ai donc 67 ans dans 3 semaines. Maman, papa étant décédé en 1945 et moi avons tenu l'épicerie fine au 42 Grande Rue, à Brétigny-sur-Orge. Maman est restée seule en 1951 quand je me suis mariée. Hélas, les grandes surfaces faisaient leur apparition. Elles ont remplacé les épiceries, grandes et petites. L'année dernière, je suis allée voir ce qu'était devenu mon épicerie à Brétigny. Quel malheur! J'aurais préféré m'abstenir de ce pèlerinage. J'ai le cœur gros. J'ai 5 enfants et 5 petits-enfants de 23 à 12 ans que je gâte aussi souvent que je peux. Il m'arrive de me retrouver la sucette PG à la bouche, comme dans mon enfance, avec eux, pour garder les bonnes habitudes. C'est en Autriche que les premiers bonbons enveloppés sont nés. C'était une entreprise qui s'appelait LR, qui a été la première, en quelque sorte, à offrir aux consommateurs la possibilité que chaque bonbon soit enveloppé. C'était une révolution. Alors à partir du moment où Pierrot Gourmand a pris le relais de cette firme autrichienne, il a donc créé un bonbon qui s'appelait le Riviera. Et ce Riviera a été un grand succès puisque sur chaque bonbon, il y avait l'image d'une des plages de la Côte d'Azur. Et c'est là aussi que les bonbons fourrés ont fait fortune, puisque à l'origine, c'était avant tout, comme on disait, les bonbons de sucre cuit. C'était du sucre cuit, dur et parfumé, mais pas fourré. Tandis que le fourrage est intervenu à cette époque-là, dans les années 1920-1930. Et ce fut là encore une révolution, puisqu'on fourrait avec de la confiture des bonbons de sucre cuit. Seule marque pour les gourmands, c'est la marque Pierrot Gourmand. Caramel, c'est sucette, friandise parfaite. Ces bonbons sont rafraîchissants, ces sucres d'or sont excellents. Pierrot Gourmand, Pierrot Gourmand, Pierrot Gourmand, Pierrot Gourmand. Tout à coup arrivent ces emballages extraordinaires des différents bonbons qu'a créé Pierrot Gourmand. Ce qu'il fallait surtout, c'est que la marque du Pierrot Gourmand, étant d'une qualité, on peut dire, irréprochable, il fallait absolument qu'on donne à ce bonbon, par rapport aux gens qui le regardaient, un impact visuel qui soit qui tout de suite pouvait, qui les touchait, qui le regard était attiré par ce bonbon, parce qu'il était beau, parce que justement parce qu'il y avait un beau papier. Quelque chose qui est de qualité doit être habillé, parce que c'est habillé. Hein. Exiger le nom et la marque sur chaque bonbon, c'est un buvard offert par Pierrot Gourmand, chocolatier, confiseur. Ça rappelle l'ambiance très colorée des Riviera, fond vert clair pour celui-là, bleu clair pour cet autre-là. C'est pas signé, c'est juste mentionné en bas, d'après René Vincent. En fait, c'est très différent de la maquette du Pierrot assis sur un croissant de lune et offrant des bonbons. Une maquette que la société Evrard et Herbé avait fait dessiner à Villette en 1892. Ça, c'est vraiment un graphisme des années 30, Réjeanne Bargiel. Là, disons, c'est un Pierrot, c'est un motif décoratif. Vous pouvez le décrire un peu ? Mais il a sa grande robe blanche, en fait, le costume blanc, la collerette noire et le petit bonnet noir, en fait. Mais il n'a pas du tout le visage enfariné, là. Il a des petites mains roses, dodues, en fait, comme des mains d'enfant. Il est plutôt assimilé à un enfant, en fait, complètement. Et puis, c'est un Pierrot, en fait, qui évoque l'abondance, puisqu'il porte un énorme pain de sucre et puis un grand panier de fruits qui symbolise, en fait, les deux produits qui sont à l'origine de la confiserie. Pierrot Gourmand, donc créé à la fin du 19e, qui a son plein essor après la Première Guerre mondiale, c'était des bonbons de luxe ou des bonbons qui rentraient dans la gamme des bonbons plus populaires, bonbons de sucre cuit? En fait, la confiserie a débuté avec le miel. Le miel fut d'abord l'ingrédient édulcorant et qui servait aussi à conserver les fruits, à conserver certains produits. Ensuite, le sucre de canne a été introduit en Europe au XIIIe siècle à la faveur des croisades. Mais il a fallu attendre la Renaissance pour que le sucre de canne prenne le pas sur le miel, parce que c'était un produit extrêmement onéreux qui était vendu par les apothicaires. Et en fait, même jusqu'au XIXe siècle, le sucre de canne, c'est répandu, disons, mais est resté quand même un produit assez coûteux. Donc les bonbons n'étaient pas accessibles à tout le monde. Et ça n'est qu'à partir du développement du sucre de betterave et de l'essor des plantations que la confiserie a pris un réel développement. Et c'est là que les bonbons, effectivement, se sont démocratisés. Les sucettes, très vite, ont été fabriquées de façon industrielle. Oui, parce que, pour moi, à l'époque de 1960, on n'avait pas encore, je peux dire les marques de Lucille, on n'avait pas encore les ratilles de maintenant, on avait des Aquarius. Et c'était simplement du coup par coup. Il y avait deux axes qui se rapprochaient avec les formes en bout, et on formait une sucette l'une après l'autre. Il n'y avait pas une presse qui tournait. C'était donc deux axes qui se rapprochaient et qui formaient une sucette. Et ça marchait peut-être une sucette toutes les... le temps de faire le mouvement, 3-4 secondes. Guy Urbain. Il faut savoir que, avant tout, les bonbons ont été un peu un des progrès de l'économie après la guerre de 1914-1918, du fait que des machines avaient été inventées et créées pour fabriquer industriellement des bonbons. Ça a donc permis la naissance d'une industrie de bonbons dont Pierrot Gourmand a été le leader tout de suite après la guerre. Les fondateurs s'appelaient messieurs Evrard et Herbé, et ils avaient acquis comme usine un local qui était les anciennes écuries de la ville de Paris pour les omnibus à chevaux qui traversaient la capitale à cette époque. Pour eux, c'était pratique vu sa situation, et dans ces locaux vastes, ils avaient installé à ce moment-là tout le matériel nécessaire pour fabriquer les bonbons. Mais il y avait tout autour de la ceinture de Paris des fabricants de bonbons qui étaient les concurrents de Pierrot Gourmand. Et qui s'appelait même, il y a eu la bataille de Pierrot Gourmand, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais si, parce que le nom de Pierrot Gourmand était devenu tellement fort que ses concurrents avaient pensé que quand on mettait le terme gourmand après quelque chose, ça avait une valeur. C'est ainsi qu'est né Paris Gourmand. Paris Gourmand, PG lui aussi. C'est ainsi qu'est né le géant gourmand, qu'est né le nain gourmand. Et tout ça, ça cohabitait. Jusqu'au jour où, conseillés par des avocats, les dirigeants de Pierrot Gourmand ont fait un procès à tous les fabricants de confiserie qui avaient le terme gourmand. Et ils ont gagné. Et c'est ainsi que les bonbons Paris Gourmand de l'époque sont devenus les bonbons Tour Eiffel, par exemple. Ça a été une vaste bataille. Ah, Pierrot de Bon Gourmand. Qui veut un dessert au chocolat ? Pierrot Gourmand, le confiseur chocolatier si réputé, qui vous a déjà présenté ses dernières friandises. Madame, va vous faire entendre Pierrot, maintenant sa nouvelle chanson. Le goût de la sucette, ça passe dans l'écartement de mes dents. La lune, le Pierrot, Pierrot dans la lune, voilà de quoi rêver. Et quant aux nouveaux petits bonbons, je trouve qu'ils ne vont pas rêver, mais les sucettes vont toujours rêver. Pierrot Gourmand, il est surtout fait pour les sucettes, moi je trouve. La la la la la la la la la la la la la la la. Oui, monsieur Po, oui, monsieur Li, oui, monsieur Chi, oui, monsieur Nel, oui, monsieur Polichinelle. Dans sa boutique, sur les marches du palais, il enseigne la musique à tous ses petits valets. Oui, monsieur Po, oui, monsieur Li, oui, monsieur Chi, oui, monsieur Nel, oui, monsieur Polichinelle. Avant de se retrouver lié à l'image de la confiserie, Pierrot a une grande histoire. Rajane Bargiel, Pierrot, pour vous, c'est déjà un personnage qui est associé à l'Arlequin. Oui, il y en a un qui est complètement dans le réel, dans le concret, c'est l'Arlequin. Et il établit toujours une complicité avec son public, et au détriment du Pierrot rêveur qui fait rire ou qui fait sourire dans un autre registre, en fait, et qui va établir une complicité qui est beaucoup plus subtile et, en fait, qui est un peu dans un autre monde, en fait, finalement. C'est le monde du rêve, c'est le monde de la création, de l'imaginaire, du désir. Enfin, là aussi, au niveau visuel, on a déjà des archétypes, en fait. On en a un qui est tout blanc, tout vertical, très peu mobile, en fait, souvent dans des situations assez figées, où c'est l'expression, en fait, du visage de Pierrot et pas les mouvements qui vont être importants, alors que dans le cas d'Arlequin, au contraire, Arlequin est un personnage exubérant qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, en fait, et qui incarne le mouvement. Alors que le Pierrot va incarner, au contraire, l'intériorisation du mouvement. Et en fait, ça va se traduire par très peu de mouvements, très peu de mimiques. Il vend des bouts de réglisse, meilleurs que votre bâton. Des bonhommes en pain d'épices, moins bavards que vous dites non. Oui, monsieur Po, oui, monsieur Li, oui, monsieur Chi, oui, monsieur Nel. Oui, monsieur Polichinelle. Pierrot est gourmand. Pierrot Pedrolino, un Pierrot qui vous prête sa plume, Joël Clerget. Oui, alors pour parler de ce personnage de la comédie italienne qui se caractérise par son costume et son visage, hein, qui est une sorte de drôle d'oiseau, si on reprend l'expression de La Fontaine, du pétulant Pierrot et du sage raton, hein, qui est donc en fait un moineau. Et effectivement, on peut se poser la question, comment on passe de cet oiseau-là, si on peut dire, à un Pierrot gourmand, qui serait donc quelque chose qui aurait plus trait à l'oralité, à la fonction, non pas seulement alimentaire, mais gustative et à la satisfaction orale, quoi. La bouche qui laisse couler le lait et le miel. Voilà. Alors, si notre bouche est ainsi faite qu'elle nous sert à manger, elle nous sert à toucher et elle nous sert à parler. Et je crois que si on sature la bouche de la satisfaction orale, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le plaisir de bouche, hein, qui est très heureux pour vivre, sinon on n'aurait pas de goût, si toute la bouche est vouée au plaisir de bouche, elle va se clore sur ce plaisir-là, hein, elle va être comme l'autre acception du gourmand, c'est-à-dire dans, sur les arbres, sur la branche qui pousse en dessous de la greffe et qui est stérile. Hein, donc ça me paraît très intéressant de voir qu'il y a un rapport entre ce dont le gourmand détourne sur l'arbre, il détourne la sève pour rien, et on pourrait dire que le plaisir clos sur lui-même détourne le plaisir de bouche pour lui-même, c'est-à-dire pour rien du tout, alors que l'enfant, pour parler, on lui apprend d'ailleurs, c'est une règle de politesse, qu'on ne parle pas à la bouche pleine. Donc pour parler, il faudra qu'il enlève sa sucette, quoi. D'ailleurs, c'est vrai aussi bien de la sucette qu'on met au bébé pour les apaiser, qui n'est d'ailleurs pas une sucette alimentaire, que celle que l'on trouve sur le marché, quoi. On ne parle pas avec quelque chose dans la bouche. Donc, on voit très bien que derrière le gourmand, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une sorte de castration, c'est-à-dire qu'il y a à perdre l'objet qui prend la bouche aux fins de plaisir pour pouvoir parler, pour que l'enfant puisse ouvrir sa bouche au miel des paroles, alors, et pas seulement au sucre des bonbons, quoi. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Jean de Palacio. D'une façon générale, le Pierrot des origines, le Pierrot italien, le Pierrot bergamasque, c'est un niais, un niais qui a des défauts. Et la gourmandise entre dans ses défauts. Il est amateur de pâté, il est amateur de flacons, il est toujours, je dirais, disposé à faire des repus franches, mais ça n'est pas peut-être sa particularité essentielle. La particularité essentielle, si vous aviez à la situer. Oh, c'est un balourd. Pierrot est un balourd, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des gaffes, c'est quelqu'un qui est peut-être mal intégré dans la vie, c'est quelqu'un qui a des malheurs conjugaux et des malheurs amoureux, et c'est quelqu'un qui est souvent dupé, souvent berné. C'est quelqu'un parfois qui se révolte aussi et qui rend la monnaie de la pièce, mais c'est un personnage qui, je dirais, a un petit peu de mal à être au monde. Comment la gourmandise s'en est-elle allée dans son histoire ? Eh bien, Pierrot est un niais à l'origine, un niais qui a des défauts, mais après de bureau, ce sera un pervers qui a des vices. Et la gourmandise, en quelque sorte, passe du statut de défaut à celui de vice. Cela devient une gourmandise avec préméditation. Cela devient une gourmandise destinée à séduire Colombine. Cela devient une gourmandise systématiquement pratiquée, une gourmandise qui s'accompagne de larcins, de vols. Bref, une gourmandise qui tente à devenir un péché capital. Et c'est même une gourmandise qui fait plus, puisque dans une chanson des chansonniers les plus célèbres de la fin du XIXe siècle, Xavier Privas, il représente un Pierrot qui prend Colombine un peu comme l'objet d'un festin et qui s'attable au corps de Colombine exactement comme on s'attable pour un banquet. ma che m'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che m'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, portagli iettatura? Ma che ci avete da ridere, portagli iettatura? Alors voilà le passage où la gourmandise bascule en luxure, enfin si on veut. Bah, si tu veux, ma chère, comme je vais faire un réveillon fin, ça s'appelle Noël de Pierrot, donc c'est en situation. Mais pour ce festin, quitte collerette, jupon, chemisette, souliers de satin, puis que je m'attable à ton lit pour table et de ton corps blanc de la tête au flanc, quand chaque fossette longtemps je becquette comme un moineau franc et que de ta bouche ma lèvre débouche le flacon divin d'où coule le vin de la paillardise et que je me grise comme un libertin. Voilà ce que Pierrot devient en 1897. Vous voyez que la gourmandise a changé de camp. Paradoxe alors que, à la fin du 19e siècle, un fabricant confiseur nomme sa marque Pierrot Gourmand. Oui, en effet, c'est un paradoxe. Ce confiseur d'abord a choisi le Pierrot blanc, alors que à cette époque-là, les deux Pierrots coexistaient. Il y avait le Pierrot blanc traditionnel qui survivait, qui était le Pierrot de Debureau. Pierrot était le beau, le gracieux, le svelte, l'ironique Jean-Gaspard de Bureau, écrit Banville. Cet incomparable comédien avait tout ce qu'il faut pour charmer le peuple, car il était peuple par sa naissance, par sa pauvreté, par son génie, par sa naïveté d'enfant. Mais aussi, il répondait aux besoins d'élégance et de splendeur qui existent dans les âmes primitives. Et il n'y eut jamais duc ni prince qui sût aussi bien que lui baiser la main d'une femme, toucher à une femme. Il n'insistait jamais sur rien. Il indiquait ses intentions d'un geste spirituel et vite, il passait à autre chose. Sans peser, sans rester, eût été exactement la devise de son talent exquis. Ah, Debureau, c'est une révolution dans l'histoire de Pierrot. Debureau, c'est la fin du Pierrot gai et c'est l'avènement du Pierrot triste. On dit que Debureau était un homme triste lui-même, et son Pierrot est un Pierrot triste, et par conséquent, c'est toute la coloration de Pierrot qui change, même si son habit reste l'habit blanc traditionnel. J'entends Debureau père, Jean-Baptiste Gaspard Debureau. Le fils a repris le flambeau, mais dit-on avec moins de bonheur que le père, mais enfin les deux, l'ensemble... Jean-Baptiste Gaspard et Charles de Bureau ont en quelque sorte couvert le 19e siècle. Je vous le dis, des lauriers semblables à ceux qui ornent le front de son père ont poussé d'un seul coup sur la tête de mon fils. Quelle prodigieuse famille! Et celui-là, vous croyez qu'il n'est pas prodigieux lui aussi? Le théâtre des Funambules était un haut lieu populaire. C'est celui qui est montré dans le film de Carnet, Les Enfants du Paradis. C'est un spectacle qui, en effet, faisait rire un vaste public très enthousiasmé. Mais le Pierrot lui-même était un Pierrot triste. L'amorce même, pas encore peut-être, mais l'amorce même d'un Pierrot macabre. C'est un Pierrot qui est déjà hanté par les fantômes, c'est un Pierrot qui est hanté par le remords, c'est un Pierrot qui peut déjà commettre de mauvaises actions. C'est un Pierrot qui annonce celui que Rivière mettra en scène dans son texte de 1860, le Pierrot, où Pierrot devient assassin. Un Pierrot surprenant, Régène Bargiel, de Armand Henrion. Oui, c'est un Pierrot, en fait, qui est vraiment effrayant, moi, qui est vraisemblablement, en fait, un portrait d'acteur qui, représenté en fait dans le rôle de Pierrot avec et alors là ce qui est très curieux c'est qu'on n'a pas du blanc et du noir, on a du blanc et du rouge. Et en fait, il a une énorme bouche qui est presque comme une bouche de monstre, en fait, ou comme une plaie. En fait, c'est très difficile. Il a les oreilles aussi très, très rouges. Et en fait, son bonnet n'est pas noir, mais rouge. Il est enfariné. Et c'est vrai qu'il a un petit caractère vampirique. C'est un caractère qu'on va retrouver ultérieurement dans cette vieille photo sépia. Qui représente sans doute un stand d'exposition, en fait. Au cours des grandes expositions internationales, on avait souvent les grandes marques étaient très présentes, en fait, pour faire la démonstration de la qualité de leurs produits, des produits français, bien souvent. C'était la promotion des produits français. Et toutes les grandes marques avaient l'équivalent d'un petit pavillon, en fait. Et c'était une construction architecturale, en général, assez importante, dans laquelle on pouvait entrer et puis déguster les produits. Et là, dans le cadre du Pierrot gourmand de cette construction, elle est vraiment complètement effrayante, en fait, puisqu'en fait, la porte d'entrée du stand, c'est la bouche ouverte du Pierrot. En plus, ce Pierrot est vraiment expressionniste, il a un regard effrayant et il est pas sans évoquer en fait des endroits comme le cabaret de l'enfer. Là, ça, tout à l'heure on a parlé de Montmartre et le cabaret de l'enfer, la porte du cabaret de l'enfer, c'est exactement ça, c'est-à-dire on entrait, c'était la gueule ouverte d'un monstre, et ce sont des dessins qui sont inspirés des dessins de Bertal, de Granville, de tous ces illustrateurs en fait de la fin du 19e qui avaient développé en fait un imaginaire très très très particulier en fait à travers l'illustration de livres en fait de leurs propres textes. Et là moi j'y vois une filiation qui est de l'ordre du presque du fantastique en fait, et en même temps il y a quelque chose qui est lié à l'esthétique du cinéma, je pense, de cette époque. Parce que ça fait penser à beaucoup de choses. Ça fait penser aussi un peu à Métropolis. Ça fait penser... Il y a des tas de réminiscences, là. C'est curieux que pour un stand commercial, finalement, on intègre à ce point des données culturelles qui viennent d'autres disciplines. C'est impressionnant. C'est une sorte de cave où sont entreposées dans des clés une foultitude de moules. Moules en plâtre, oui. Le mot cave est bien trouvé en plus, je trouve. Parce que bon, une cave, c'est une bonne température pour garder, entre autres, le vin. Et là, c'est une bonne température pour garder les empreintes, malgré tout. Pourquoi je dis ça? Parce que les empreintes, elles ont besoin d'être toujours sèches. Et dans cette étuve, on est justement dans une ambiance relativement sèche qui permet d'avoir des empreintes sèches et après de faire des empreintes parfaites dans l'amidon. Empreintes, comme vous pouvez le voir, qui sont multiples et variées. Qui vont être toutes les formes des bonbons gélifiés. Hein. Voilà, qui donnent toutes les formes de bonbons après que l'on peut trouver. C'est un véritable petit musée, là? C'est un musée, oui, tout à fait. Alors ça va de... Si on prend celle-ci, ça c'est la... une empreinte en forme d'étoile filante. Bon, pourquoi étoile filante? C'est pour représenter en quelque sorte un peu le logo Pierrot Gourmand, où il y a la lune, les étoiles, et puis notre petit Pierrot qui est assis sur sa lune. Il y a également des choses bon, beaucoup plus préhistoriques, dirons-nous. C'est des dinosaures. Voilà, des dinosaures, des stégosaures. Moins appétissants pour certains, mais dans les gamins, sont très friands, c'est le rat. Contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les 12-13 ans, particulièrement. Oui. Voilà, alors ça c'est la planche tout Halloween, la citrouille, le chaudron magique, le château hanté, le chat noir qui est pas loin du château, le chapeau de la sorcière, et puis la sorcière que l'on retrouve également sur cette planche-là. Donc ça, bon, c'est pour suivre réellement l'actualité. Donc ça, il faut imaginer, ce sont des petits moulages blancs, il faut les imaginer bientôt dans une forme molle et dans des coloris translucides. Ouais. Translucides, divers et variés. Ça va du marron au transparent, passant par le orange, le rouge, le jaune, le vert. Acidulé ? Acidulé, oui, toujours. Il faut toujours qu'il y ait une petite pointe d'acide pour rehausser l'arôme. Je crois qu'il y a deux choses face à cette analyse personnelle. Pour les bombes, il y a le regard, comme vous le disiez, mais il y a aussi la texture. Et ça, c'est très important. Il est un fait que j'ai essayé de goûter ces bonbons et le goût nous échappe. La texture reprend le dessus un petit peu. Alors moi, j'aime beaucoup ça parce que au début, je suis pas du tout comme ma grand-mère. Au début, ça croque et puis après, ça devient plus tendre et... Mais c'est un goût très très fort par rapport aux sucettes. Les sucettes sont un peu plus douces. Mais c'est un goût très fort, ça réveille. Alors ? Il y en a qui sont tout molles et on peut même les écraser. Et après, c'est... On aurait dit que c'est une framboise écrasée. Mais sauf que quand c'est pas la même couleur que la framboise, et ben, c'est... on aurait dit que c'est un autre fruit qui s'écrase. Et j'aime bien parce que il y a du sucre dessus. Ben, ils ont un peu exagéré sur le goût du fruit. On l'écrase une fois, on l'avale et c'est terminé. Ça dure pas le plaisir. Le plaisir ne dure pas. Pierrot. Pierre, c'est à la fois rond, mais c'est à la fois dur. Hein, on peut dire dur comme la pierre. Bon, évidemment, il y a des pierres qui ont une plus ou moins grande dureté. Mais Pierrot, c'est une tournure hypocoristique. C'est un très beau mot pour dire la familiarité qu'on entretient avec quelqu'un. Donc, il y a un peu quelque chose d'une atténuation, d'une familiarité avec l'adjonction du haut, qu'on retrouve d'ailleurs dans frère-frérot. Hein, on retrouve quelque chose de tout à fait proche. C'est tout à fait intéressant parce que c'est à la fois une formule diminutive, mais qui ajoute tout de suite une autre tonalité au prénom et au nom, en l'occurrence. Alors, voyons ce haut qui porte en lui l'image d'une pierre qui se serait arrondie. Voilà, alors, bon, si je laisse un peu partir comme ça mon imaginaire, qui peut être plus ou moins délirant d'ailleurs, mais c'est pas grave, puisque ça se fait avec des mots. Moi, j'ai vu dans ce haut la trace d'une sorte d'engrossement du mot de pierre, c'est-à-dire que ça lui donnait une taille supplémentaire, et qu'on pouvait y voir comme le reste plein d'un temps de la grossesse. C'est un peu comme si ce haut, avec sa forme ronde, rappelait le haut du corps d'une femme enceinte et que non seulement il nous laissait devant un haut d'admiration ou d'inquiétude, mais qu'il gardait, c'est comme s'il gardait de ce temps-là quelque chose, quoi, une sorte d'attache. Hein. Et ça me paraît important parce qu'il me semble qu'il y a dans ce haut à la fois le reste d'un temps révolu, hein, une fois que nous sommes nés, nous ne sommes plus vivant dans le temps des échanges fœtaux-placentaires. Et il me semble que à cette charnière-là, il est aussi le haut, le zéro, disons, c'est-à-dire le point de départ d'une série à partir duquel on peut compter, quoi, zéro, puis après 1, 2, 3, 4, 5, quoi. Lorsque Villette grave en 1882 les planches de Pauvre Pierrot, la première planche, c'est un abécédaire. Et voilà la préface de l'auteur. À mon maître d'école. Voilà, à mon maître d'école, c'est une ligne inégale d'ailleurs d'apprentissage de l'écriture et on voit peu à peu la lettre B voilà, qui se transforme en un bébé Pierrot et le corbeau va tenir lieu de taches d'encre. Bah, sur le corbeau noir, sur la lune, va tenir lieu de taches d'encre. Et on passe comme ça de ces lettres en bâtarde à des lignes obliques de traits qui sont aussi l'apprentissage de l'écriture. Et d'où Pierrot va encore sortir, mais cette fois bien sûr un Pierrot noir qui finit par prendre corps et cela finit bien sûr par une bastonnade sur le chat qui rappelle les origines de Villette et sa liaison avec le cabaret du chat noir. En fait, on sait que Villette était très très proche des enfants, s'occupait beaucoup des enfants de la butte et il y a aussi là un rapport en fait entre l'enfant et le Pierrot et en fait Villette à certains moments disait lui-même qu'il était un grand enfant d'une certaine façon. Triste, un grand enfant lucide, c'était pas forcément toujours un Pierrot gay. Et je crois que le Pierrot de Pierrot Gourmand, bien sûr, il est dans cette mouvance-là, c'est évident, puisque Villette a quand même rendu très très populaire ce personnage à un moment donné également. Mais je crois que c'est pas forcément la seule source. Moi, je serais beaucoup plus tentée de dire que c'est le Pierrot en fait associé au personnage enfantin, c'est le Pierrot qui est proche des enfants, c'est le Pierrot d'Au clair de la lune. Curieusement, au début du XIXe siècle, à l'époque des patronages, de l'école et du répertoire des chansons enfantines, cette chanson est devenue un grand classique, et un grand classique amputé, dans la plupart des cas, de sa partie érotique. Les enfants connaissent tous les deux premières strophes qui sont les plus fameuses, mais les deux suivantes sont moins connues, et ce sont les deux suivantes qui, bien sûr, contiennent le contenu leste et érotique de la chanson en question. Je peux peut-être vous la chanter, si vous le souhaitez. Par exemple. Au clair de la lune, l'aimable lubin frappe chez la brune, elle répond soudain, qui frappe de la sorte, il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le dieu d'amour. Lubin, c'est un moine débauché ou un valet galant, assez traditionnel, prosaïque, sensuel. C'est lui qui, à mon avis, représente la face solaire, lumineuse, chaude, dirons-nous, du Pierrot. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu, on chercha la plume, on chercha du feu, en cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. On imagine la suite. Si vous voulez savoir ce que l'oreille du psychanalyste a entendu de la bouche du Pierrot, c'est que le Pierrot tout blanc est un écran. Un écran sur lequel, traditionnellement, on projette de la mélancolie ou de la poésie, du romantisme. Mais comme tout écran, il est à double face. Et c'est ce qui est intéressant à cette figure, c'est qu'elle recèle donc un versant caché qui, bien sûr, est, je dirais, exactement le négatif de ce blanc. Il attire l'enfant d'abord par son côté énigmatique, un peu inquiétant tout de même, parce que cette face blafarde, elle est plus du côté de la mort que de la vie. Mais comme tous les personnages absolument séduisants des contes de fées, l'enfant ne s'y attache que parce qu'il recèle une dimension qui parle plus profondément à sa sexualité, à ses craintes de castration, à ses angoisses par rapport à la différence des sexes. Mais est-ce qu'on peut dire que quand les enfants chantent cela, c'est de l'ordre du... Il y a du refoulement et que dans ce registre-là, ils batifolent comme ils l'entendent. Le répertoire des chansons enfantines, qui ne se limite pas bien sûr à Au clair de la lune, est hérité presque entièrement de chansons lestes qui ont été censurées par leurs auteurs pour laisser aux enfants leur seul aspect innocent et léger. Mais les enfants ne sont pas dupes de ces choses-là. Il y a en quelque sorte un retour du refoulé. Déjà dans la chanson elle-même, qui par allusion peut déjà représenter le contenu sexuel, les enfants ne s'y trompent pas et parfois, si ça ne leur suffit pas, réintroduisent dans leur répertoire ce qu'on appelle une sorte de folklore érotique ou folklore folklore obscène des enfants, c'est-à-dire qu'on connaît dans les cours de récréation des versions tout à fait lestes de Au clair de la lune. En quelque sorte, les enfants se sont réappropriés ce qui était évacué par une forme de refoulement social pour le réintroduire. On connaît beaucoup de versions de Au clair de la lune avec J'ai pété dans l'eau et parfois des contenus sexuels beaucoup plus crus que les enfants font rentrer de nouveau dans ces chansons que les adultes avaient édulcorées. Ils sont vraiment très rigolos, à Paris, les petits pierrots qu'on voit dans les promenades, chantant des sérénades, en grignotant des morceaux de pain. Ils ont l'air de sliche du prochain, s'inquiétant guère si le ministère tombera demain. Semaine et dimanche, de branche en branche, ils passent dans les distances, avec insouciance. Que leur importe, que la rentre apporte, ils aiment mieux chaque jour à leur pierre et faire un bras de cours. Car on peut dire que les petits pierrots en amour ne sont pas manchots, ils sont d'allure farceuse et de nature très noceuse. Quand ils désirent être galants, ils ne craignent pas les regards des passants ni les gardiens méchants, ils rendent leur petite pierrette heureuse. Sur les sucettes actuelles Pierrot Gourmand, un logo qui a été un peu triangulé, Réjeanne Bargiel. Pierrot Gourmand a peut-être changé de sexe. Il est la figure du Pierrot est de trois quarts et inscrit dans un triangle rouge. Oui, il a visiblement, en fait, dans le dernier avatar graphique de Pierrot, on a l'impression que la figure s'est nettement féminisée, en fait. Hein. Tout le visage, les traits. Et c'est vrai que ça correspond aussi à la caractéristique. C'est une des caractéristiques de Pierrot, c'est que il est de sexe masculin, mais là aussi, ses amours, par exemple, avec Colombine, sont toujours des relations très platoniques, presque des relations plutôt d'amitié. Et c'est ce qui le pose aussi à Arlequin, où on se pose pas de questions à propos du sexe d'Arlequin. Il est masculin. Et le fait aussi qu'il ait cette robe, cette grande robe blanche, en fait, contribue aussi au fait qu'on se pose la question et qu'il n'est pas, androgyne, mais on peut le tirer aussi vers un personnage peut-être plus féminin. T'as vu, celle-là, c'est une caramel au lait frais. Tu les aimes bien, celle-là? En général, je prends tout le temps des caramels, mais je regarde jamais s'il y a écrit les frais ou pas. Donc... Effectivement, je retrouve bien le goût du caramel, qui est très très bon, mais c'est quand même moins dense que ça n'a été. On en avait dans toute la bouche et je dirais tout le corps. Et maintenant, on en a dans la bouche, mais pas dans le corps. Ça, je crois un petit peu affadi. Il me semble. Et toi? Au coca. Ah, coca. Ça, c'est tout à fait nouveau, le coca, non? Non, pas trop. Pas trop. Et tu aimes bien le coca? Oui. Tu peux dire à quoi ça ressemble comme goût? Bah, c'est comme la bouteille de Coca-Cola, sauf que c'est pas tout à fait le même goût. C'est moins piquant. La lettre. Il ne faut pas oublier la lettre, la seconde partie de la lettre. Pourquoi vous écrivais-je? Car je cherche quelques bons signes de mon ancienne épicerie. Maman avait, entre autres, un Pierrot Gourmand en plâtre où l'on piquait des sucettes pour vendre aux clients. J'en recherche un partout, en souvenir. Pourriez-vous me dire où je pourrais dénicher cet oiseau rare, mais le vrai, en plâtre? En avez-vous encore? Ou bien en récepteur de monnaie peut-être, mais je ne me souviens pas qu'il y en ait eu dans ma boutique. Le représentant qui passait pour les commandes m'a tenu sur ses genoux. Il était grand, avec de la barbe, je crois. Je l'aimais bien. Pourtant, il ne me donnait pas de bonbons. Non, chez nous, les représentants étaient un peu notre famille. C'était la guerre ou l'immédiate après-guerre. On aimait bien les voir arriver. Mais pardonnez-moi de vous parler, à vous, de ces souvenirs. Vous qui n'étiez peut-être pas né. Thank you. Ça a été toute notre démarche depuis quelques années de faire vivre notre Pierrot et de lui redonner ou de lui donner une actualité contemporaine, de le rapprocher des enfants qui sont ses partenaires et ses complices privilégiés. Et donc effectivement, on a successivement mis notre Pierrot en situation de plage en demandant à Bercher, qui est le spécialiste français du jouet en plastique, de nous fabriquer un seau et de le décorer avec un Pierrot gourmand pêcheur, un Pierrot gourmand baigneur, un Pierrot gourmand presque surfeur. Hein. Et puis ensuite, on a également créé une trousse et un sac banane pour les enfants pour la rentrée des classes. Et puis, pour la fin d'année, puisque la période approche, nous rééditons une valisette en métal, qui est une valisette décorée avec notre Pierrot en situation de Père Noël. On essaye de rapprocher ce Pierrot des enfants d'aujourd'hui et tout ce qui a été développé depuis, donc au travers de tous ces objets, nous permet effectivement de nous rapprocher et de redonner de l'actualité au Pierrot. Allez, on la chante. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Voilà, recommence. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Voilà, on peut la chanter ensemble. Alors, évidemment, le O de Pierrot est ce que les linguistes appellent une voyelle d'avant. Donc, elle pousse la bouche à s'ouvrir vers l'avant, hein, ce que ne ferait pas, par exemple, un I. Un I vous amène à l'arrière. On ne voit pas du tout un Pierri gourmand. Ça n'irait pas du tout. Tandis qu'un Pierrot gourmand, ça nous mène. Et alors, ce qui va relativement bien avec le fait d'introduire une sorte, la forme, comme vous dites, en fer de lance, quoi. C'est-à-dire, elle entre relativement. Par contre, quand on a la sphère, la petite boule ronde de la sucette actuelle, et du coup, on a un contact beaucoup plus important entre le palais, lui-même rond, et la langue qui s'arrondit autour de la petite boule de parfumée et aux fruits en général. On n'a pas du tout la même succion, quoi. Aliénor, tu les aimes, les sucettes? Oui. Lesquelles, par exemple? Dis-moi lesquelles tu préfères. Les rondes, je les aime beaucoup. Je les aime tous, en fait, parce que elles sont toutes bonnes. Et j'aime bien la forme. Mais quand tu les as dans la bouche? Bah, tout dans la bouche, ça fait ma langue comme ça. Et les ovales, elles sont comme ça et c'est dur à mettre en bouche. Parce que c'est grand. Et Ça veut dire que les bouches des petites filles ont rétréci? Non, pas du tout. Lieu de mémoire, Pierrot, dans une robe de plaisir, c'était avec Jean Véron, ancien maître confiseur de l'entreprise Pierrot Gourmand à Altillac, en Corrèze, Pascal Lozière, responsable du secteur développement de l'entreprise, Guy Urbain, président du Salon international des confiseurs, Annie Perrier-Robert, auteur de Bonbons et friandises aux éditions Attier, Réjeanne Bargiel, conservateur du musée de l'affiche à Paris, Jean de Palacio, auteur de Pierrot, fin de siècle, aux éditions Séguier, Joël Clerget, psychanalyste, Philippe Grimbert, auteur de La chanson et la psychanalyse, aux éditions des Belles Lettres, et la participation de Sabine Gaillet, Aliénor, Domitille et Mélodie. Une émission qui vous était proposée par Laurence Crémière, dans une réalisation de Marie-France Thivault. Mixage, Simone Ranger, Pierrick Charles.